nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous saluons en même temps les frères et les sœurs qui sont en ligne. Nous vous souhaitons toutes les bénédictions du Seigneur. Quand Dieu nous prête son souffle de vie, c'est parce qu'il voit encore des imperfections en nous. Ni sababu anona sema atua kamilika. Et il nous donne le temps de nous préparer. Na eko nitupatia wakati ya siku jitayarisha. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des ratés au milieu de nous. Sababu bwana shipende kukweba kukosa katikati yetu. Chacun de nous qui aime le Seigneur, kila mmoja wetu mwenye kumpenda bwana, doit recevoir la parole dans son cœur. Anapasha kupokea neno ndani ya moyo wake, et agir en conséquence, na kutenda kufuatana na ile neno, pour être prêt pour l'enlèvement, kusudi ya kuwa tayari juu ya kunyanyuliwa. Il y a le frère Kasongo, kuko nduku Kasongo, un serviteur de Dieu de Lubumbashi, mtumishi wa Mungu mwa Lubumbashi, qui vous a tous salué au nom du Seigneur. Amsalimia ninyi wote. Lèvons-nous pour la lecture de la parole et pour la prière. Colossiens chapitre 3, verset 12. Père céleste, toi qui nous as aimés le premier, tu nous as donné ton souffle de vie. Non pas parce que nous sommes des gens meilleurs. Tu reconnais que nous sommes des gens faillibles et pécheurs. Et tu nous donnes cette belle occasion pour écouter ta parole. Et tu nous donnes cette belle occasion pour que nous ayons le temps de nous conformer à ta volonté. Bien Seigneur Jésus, assiste-nous. Comme il est écrit, sans toi nous ne pouvons rien. Viens au secours de notre incrédulité. Et conduis-nous comme de véritables brebis vers le vert pâturage. Bénis chacun de nous. Bénis les frères qui sont en ligne et les sœurs. Te recommandons ce service entre tes mains. Au nom précieux. Le nom le plus puissant. Le nom de toute bénédiction. Le nom de notre Seigneur. Et Sauveur Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Colossiens 3, 12-13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Lorsque nous venons au Seigneur, chacun de nous doit comprendre et doit reconnaître qu'il est d'abord un élu de Dieu. Na kutambua kwamba eko mteule wa Mungu. Lorsque le Seigneur jeta ses regards sur la multitude des gens qui vivent sur la terre, wakati Mungu alitupa macho yule wa watu mingi bado naishi pa dunia, ses yeux s'est arrêté sur toi et sur moi. Macho yake ishimamia yulu yako na yulu yangu. Parce qu'il avait vu que nous serons ses bien-aimés. Sababu arionaka kusema tutakuwa wapendwa wake. Des gens sanctifiés sanctifiés par son propre sang. Batu wenye kutakaswa na damu yake mwenyewe. Des hommes et des femmes banaume, banamuke, qui font partie de son royaume. Bale, bamufalme yake. Étant des royaumes de Dieu, na katika ufalme ya Mungu, cette nature qui était en Christ, il est assis, il est ndani ya Kristo, doit nous animer tous. Inapashi kuya ndani ya sisi wote. C'est pourquoi vous voyez ici l'apôtre Paul. Je commande ton appel, tu me Paulo. Nous exhorte en tant qu'élu. Eko netuonya sawa teule. Comme des hommes et des femmes saints. Sawa banaume banamuke takatifu. De bien-aimés. Wapendwa. Il dit. Anasema. Revêtons-nous de sentiments de compassion. Pate kuya na mania huruma. Le sentiment de bonté. Mania ya wema. Dans toute notre vie. Mu maisha yetu yote. Que le sentiment d'humilité. Il est mania ya unyenyekevu. Soit notre vêtement de combat. Ipate kuya vazi yetu ya vita wala ugomvi. Étant caractérisé par la douceur. Menye konekanisha kupitia upole. Et non pas la méchanceté les uns envers les autres. Ils ont de patience les uns envers les autres parce que nous n'avons pas le même niveau de foi. C'est pourquoi nous avons le droit de nous supporter, pas de nous rejeter. Malgré les faiblesses que nous pouvons manifester les uns les autres, l'amour de Christ en nous. Mais il est mapendo ya Kristo ndani yetu. Nous conduira toujours à nous supporter. Ite tuongoza paka mkuvumiliana. Quand nous supportons les uns les autres, tunavumiliana mamoja na bengine. Nous prierons aussi les uns les autres. Jo tutafika mkuombeana mamoja na bengine. Nous allons nous pardonner réciproquement. Tutaanza kusameana. Parce que nous comprenons que Christ nous a déjà pardonné. Sabu tunaelewa kwamba Kristo anaisha kuturumia. C'est pourquoi. Jukwamana. Évitons de nous plaindre. Tuepuke kwanza kudungukiana. De nous plaindre les uns contre les autres. Pamoja na bengine. Même quand un problème arrive. Ata wakati mambo fulani nafika. Prenons la direction de la parole. Tubebe mwenendo ya sauti ya Mungu. Prenons la conduite de la parole. Tubebe mwenendo ya sauti ya Mungu. Toute chose sera aplanie dans l'amour. Na bitu byote bitanyoloshwa katika mapendo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. À la question qui nous a été posée hier de savoir comment la femme peut recevoir son mari. Kule ulizo batuliza jana nana kani mwanamuke wa ndo anawezi pokea bwana yake kunyumba. Kwe baname continue et dit ceci. Dubaname anindelea anasema hivi. Avoir soif de la vie. Mumaubiri kuwa na kiu ya uzima. A la page 23. Katase ya makumi mbili na tatu. Au paragraphe 39. Nuta yake ya makumi tatu na tisa. La plus grande chose que Dieu a donnée à un homme, à part le salut, c'était une femme. Inja okovu, kitu kinene kile Mungu alipatia tena mwanaume ni mwanamke. Une véritable femme. Mwanamke wa kweli. après le salut, kisha okovu, la plus grande chose que Dieu donne à l'homme, kitu kinene tena kabisa kile Mungu anapatia mwanaume, c'est une bonne femme, ni mwanamke mzuri. Et lui a été donné pour le réconforter. Alimupewa ninju ya kumuptia tena nguvu. Lui a donné du courage. Kumpatia odari. Lui a donné de l'espoir. Kumupatia matumaini. Quand une femme voit que son mari est abattu, wakati mwanamke anaona mwanake anaisha kuchoka, des fois par les difficultés de la vie, samwa hivi mateso ya maisha, par la charge qu'il a de la maison, mabuzito ya nyumba konayo, la femme, mwanamke, une bibi, bonne femme, bibi, est là pour l'encourager, eko pale ninju ya kumkankamanisha, est là pour le soutenir, eko pale ninju ya kumsaidia, et là pour lui donner de l'espoir, ekopale njia kumpatia tena matumaini, que qu'il y a un Dieu au ciel, ya kusema kumbingu kuko Mungu, qui connaît toutes choses, mwenye anajua mambo yote, à son temps, wakati yake tu, toutes nos difficultés, magumu yetu yote itapotea, et nous aussi nous goûterons le secours de l'Éternel, na sie tutaonja msaada ya Mungu. Dieu n'aime pas de femmes lâches. Mungu apendake babibi bakwachiria. Non, bien-aimé frère. Apana ndukupendwa. Des femmes qui découragent leur mari. Babibi bakulekesha zaidi ba bwana yabo. Non, frère. Pana nduku. La femme est là pour encourager, soutenir. Eko pale ninjo kankamanisha bwana. Kumutia nguvu, kumsaidia. L'assister. Kumsaidia kuwa hapo wakati kuna mambo. Voyez, c'est pourquoi nous vous avons toujours exhorté. Je commande tu ekalapa mukuonya. Si Dieu n'a pas donné de grands moyens à ton mari, kama Mungu ashipatie namna ya mingi, il n'a pas suffisamment de moyens. Ana na feza mingi. Il n'a pas un bon travail qui rapporte beaucoup de moyens à ana, la maison. Ana msaada ya mzuri ya kuleta kubitu ya kankamana kunyumba. Vous devez l'assister. We bibi unapasha kumsaidia. Faire quelque chose. Unapasha fanya kitu kimoya. Pour le soutenir, ya saidia, afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est assigné. Kufika na pale atafika kushaba. Parce que tout véritable mari kweli veut voir sa maison vivre en paix. Anapenda kona nyumba yake inaishi salama. Et d'une manière heureuse. Na munamna ya tous les efforts qu'il fait. Na ili yote anafanya sawa nguvu. C'est pour que sa maison juu ya nyumba yake soit dans la joie. Ipate kuwa mfuraha. Et la femme doit l'assister. Na bibi anapasha faire quelque chose fanya kitu kimoya pour soutenir la maison. Kusudi bapate kushikamanisha nyumba. La femme doit le bénir. Mwanamke bibi anapasha kumbariki. Quand vous recevez même 1000 francs de votre mari, ne méprisez pas ces 1000 francs. Il faut bénir ton mari. Parce que ces 1000 francs que vous recevez viennent de sa sueur. Il y a beaucoup de sœurs qui ne sont pas correctes, qui sont habitées par les démons, qui comparent leur mari à d'autres frères. Si ton mari a un salaire de $50, il faut apprécier ce salaire-là, parce que c'est ce qui tombe entre ses mains. Toi, tu as l'occasion de recevoir 50, mais il y a d'autres qui ne reçoivent pas ces 50. Si ton mari a la possibilité d'avoir dans ses activités $100, bénissez ton mari. C'est ça aussi la bénédiction qui tombe entre ses mains. Ne méprisez pas l'argent que vos maris vous remettent. Ne découragez pas le mari. On te donne 10 000 francs, 5 000 francs, vous jetez cela avec des paroles insolentes, sans respect. 10 000 francs. Vous jetez sur la par terre, vous jetez sur le lit. Est-ce que c'est l'argent que tu me donnes? Qu'est-ce que je vais en faire? Regarde les soda et les farines. Regarde la braise. Regarde. C'est agir en insensé. Premièrement, recevez cela. Dites que le Seigneur te bénisse. Quand vous agissez droitement, et que vous comptez sur Dieu, notre Dieu est un Dieu de miracles. C'est vrai, frère. Il peut agir comme il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut le faire comme il l'avait fait avec la veuve dans l'Ancien Testament. Il peut le faire comme il l'avait fait avec les disciples. Il leur a dit, prenez ces deux poissons et ces deux pains, allez partager. Et toute la foule avait mangé. Et il y a eu même des restes. Ne méprisez pas ce qui tombe dans votre panier. Parce que ce qui tombe dans votre panier, c'est une bénédiction de l'Éternel. Qu'elle soit petite ou grande. Donc bénissez votre mari. Encouragez votre mari. Si aujourd'hui tu as eu 10 000, demain le Seigneur te donnera 50. Si tu as eu 20 aujourd'hui, demain le Seigneur te donnera 30. Nous vivons, ce n'est pas parce que nous mangeons. Nous vivons parce que le Seigneur nous donne son souffle de vie. Et c'est pour le consoler. Sa femme est là pour consoler à son mari. Vous voyez bien de mes frères. Et être une vraie compagne pour lui. Vous voyez, qui vit les mêmes conditions que lui. Alors soyez pur de cœur. Soyez pur d'esprit. Et soyez correct dans vos agissements. Que le Seigneur vous bénisse. Et au-dessus de tout cela, soyez, ayez une bonne apparence pour votre mari. Mukuye na konekana kuzuri mbele ya bwana yako. Soyez propre. Kuya safi. C'est fondamental. Ile ni ya msingi. Souvent quand tu te présentes mal, ça m'a évoqué mon affaire mbele ya bwana yako kwa une apparence bizarre. Ton mari peut venir avec des gens. Bwana nezi kwa na bageni. Il est accompagné de ses amis. Et votre manière de vous présenter, l'apparence que vous présentez, peut amener du mépris sur ton mari. Oh, sa femme est trop sale. Il ne prend pas soin d'elle. Évitez cela. Que Dieu vous bénisse. 62e question. Bonjour, précieux frère. Amjambo mpendo anduku. Dieu. Mungu. Peut-il pardonner un homme qui s'est marié en dehors de l'assemblée? Anaweza kurumia mwanaume ulalenda koa nje ya makutano? Après s'être repenti, kisha kutubu. Peut-il se repentir par l'intermédiaire des bergers? Eti, anaweza kutubu mukupitia kubachungaji? Ou qu'il se repente en privé? Wala, anaweza kwenda kutubu kwa ye moya? Et encore, tena, cette femme en question, ule mwenye bibi wa inji walenda koa, c'est-à-dire, sera-t-elle sauvée? Eti, ataokolewa? C'est ça la préoccupation du frère ou de la sœur. Jo, angaiko ya nduku wala dara. Dieu peut-il pardonner Eti, Mungu anaweza kurumia à un homme ou à une femme mwanaume, wala mwanamuke, qui se marie en dehors de la foi ule arienda koa, wala banamoa inje ya imani? La réponse à cela, jibu kuile, premièrement, kya kwanza, si cet homme ou cette femme Kama huyu mwanaume wala mwanamke se repentait sincèrement, anafika mkutubu na moyo wake yote, il sera pardonné. Mungu atamurumia. Mais un frère ou une sœur, lakini nduku wala dada, qui brise volontairement la parole de Dieu, anavunja sauti ya Mungu kwa kipendaro, en disant ngusema, je vais me marier peu importe ce que la parole de Dieu dit, ata vile sauti ya Mungu nasema mimi tenda koa paka inje, je vais me marier en dehors de la foi, tenda koa inje, je serai marié en dehors de la foi, patinyoa inje, et il le fait, na anafanya vile, Dieu ne le pardonnera pas. Mungu atamurumia. Parce que ça c'est un péché à m'élever. Sababu ile ni zambi ya kutenda wa mkono yulu. Il y a des jeunes sœurs ici. Kuko badada babiana hapa. Je ne sais pas, peut-être ne comprennent pas encore Michio, la gravité de leur déclaration. Sa zingine awafika mkuelewa bile banekalaka mkusema. Atari ayo. Ou c'est seulement des païens, il y a des frères et des sœurs païens. Voilà, ni badada wala banduku ba pagano tu. Il dit, le mariage au tabernacle a trop de conditions. Bien asema, ku tabernacle njua kunga ndoa kukuma kanuni ya mingi. Moi je n'aime pas être épousé par un frère mi du tabernacle. Nduku moya wa mtabernacle nyoi. Moi je serai épousé par un païen. Mie ni mpagano njua tenyoa. C'est votre choix. Ile ni wao mnyenjo na chakula. Vous révélez votre nature. Uko unaonesha tu asili yako. Mais après avoir entendu la vérité, na kisha kushikia ukweli, vous payerez. Utaripaka jua hili. Il ne reste jamais un péché impuni. Hakuna zambi na bakiaka bila malipizi. Les gens brisent la parole dans la joie. Mufura batu enda kuvunja sauti ya Mungu. Il se plaise de le faire. Furaï, il s'en glorifie. Mais il ne sait pas que leur avenir est sombre. Ils seront malheureux. Ils seront malheureux. Ne faites jamais ça. Même vous les frères. Si c'est une erreur, il peut arriver que quelqu'un fasse une erreur. Dieu connaît le cœur des gens. S'il épousait une femme en dehors de la foi, et qu'il s'en rend compte, il se répand sincèrement, il sera pardonné. Mais comment ce dernier doit le faire? Comment il doit se repentir après qu'il ait pris cette femme en dehors de la foi, cette femme païenne ou cet homme païen? Premièrement, qu'il se repente à Dieu, c'est tout. Il faut éviter le catholicisme. La manière de confesser les péchés des catholiques. Nana ya kukiri mazambi ya mkatholique. Quand tu as offensé Dieu, wakati ulimkosea ni Mungu, et qu'il y a une condamnation permanente dans votre cœur, na ndani yako na shikese mko hukumu kila wakati, repentez-vous devant la face du Seigneur. Mbele ya uso ya Bwana. Maintenant, si tu ne sais pas comment se repentir, c'est à ce moment-là qu'on vient voir le berger. C'est pour vous aider à faire des choses correctement. Vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Donc, quand vous avez brisé la parole de Dieu, allez vous repentir à Dieu. Maintenant, pour la question de savoir si cette femme sera sauvée ou pas, Si cette femme kama ule mwanamke croit sincèrement et réellement de tout son cœur, anafika na yemu kuamini na moyo yote uhakika, elle sera sauvée. Ataokolewa naye. Celui qui l'a amené à la foi, ula amleta kuimani, même si lui était un païen, atakama ye ni mpagano, ce monsieur là a été un pont ule mbwana alikuwa tu ni kilalo entre toi la sœur, katikati ya wewe dada et Dieu na Mungu. Ne considère plus l'homme, ne regarde plus à l'homme. Oui, apana kuangalia tena kwa Bwana. Maintenant, regarde à la parole. Angalia sasa kuneno la Mungu. Les voies de Dieu sont insondables. Manjia ya Mungu iko bila kuchimbiwa. Vous voyez bien mes frères. Naona nduku. Le Seigneur a des voies particulières. Bwana anikala na manjia yake ya upekee. Si une sœur kama dada moya qui est venue dans la foi, alikuwa kuimani, d'abord il est venu à l'église, alikuwa kanisa kwanza, il est venu à l'église, alikuwa kanisa, pour le mariage, kupata ndoa, mais pendant qu'il fréquente l'église, wakati unatembea mkanisa, il écoute la parole kanisa, kushikia sauti et il reçoit la révélation, anapokea ufunuo, réellement il croit au Seigneur Jésus-Christ, elle se répand, nanatubu, elle sera sauvée. Ataokolewa. C'est pourquoi nous disons enfin, je commande à monsieur toi ensemble, nous donnons conseil à tous les frères et sœurs. Mariez-vous toujours dans le Seigneur, pas dans le tabernacle. Mariez-vous toujours dans le Seigneur avec quelqu'un qui croit exactement comme toi. C'est pour éviter des problèmes. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, dans son verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Toute chose qui est faite en dehors de la volonté de Dieu a beaucoup de conséquences. Ce n'est pas les jours où tu brises la parole que tu verras les conséquences. Les conséquences, tu verras plus tard. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas le jour qu'Adam et Ève avaient brisé la parole de Dieu qu'ils ont vu la mort, qu'ils ont vu la souffrance. Mais après qu'ils aient fait cela, ils ont souffert. Et nous souffrons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. 63e question. S'il vous plaît, frère, même ici, Doku, j'aimerais que vous nous éclaircissiez un peu sur notre comportement ou attitude. Napenda mutuangazie kwanza yule mifano yetu wala tabia que nous devons adopter face à nos familles biologiques. Ile tunapasha kuya mubanduku na mbele ya banduku yetu mwili. Namna ya kutenda mbele ya banduku yetu wa kimwili. Nos attitudes devant nos frères biologiques. Que dites-vous sur ce qu'on appelle le lien familial? Munasema kodini kwa ile munasema kamba ya kizazi. Et toutes les conséquences qui va avec. Na ile matokeo inafuata nayo. Bien que nous croyons fermement que par la nouvelle naissance, tout cela est obsolète. Et sans effet. Étant donné que nos parents et nos grands-parents sont issus des générations où le christianisme n'était pas en Afrique. Bo baritoka mukizazi mule ki Kristo akikwe mu Afrika. Ils étaient idolâtres, féticheurs, faisant des sacrifices, des protections familiales aux idoles, à la nouvelle lune. Voilà, kujua. Quel comportement devons-nous adopter à leur égard? D'autant plus que nous sommes en contact avec eux dans les différentes cérémonies, fêtes, deuils. En considérant l'idolâtrie, cérémonie païenne dans laquelle nos familles se trouvent, Frobana mentionne une notion de nom. Il parle sur les influences de nom. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Que devrons-nous faire? Mettre nos enfants en danger en leur donnant les noms de famille? Alors que ces noms sont issus des arrière-grands-pères au comportement bizarre et idolâtre? Japo ile manjina inatokea kwa kambo yetu na mifano moya mubaya ya sanaa ya kuabudu kwa sanamu. Et des fois issus de cérémonies idolâtres. Ça zingine kumanjina ngine atokeaka ni kule mamandamano ya bora fanyaka ya kuabudu sanamu. Voyez, c'est une longue question, c'est une longue préoccupation. Ni angaiko mulefu ni ulize kumlefu. Alors nous allons partager cette question pour que tout le monde comprenne. Tuna katakata ya ulizo juma tupote afike mkoeleo. Le frère parle des liens familiales. Duku wanadada ansemezi hapa ni mambo ya mankamba ya kizazi. Ce terme est beaucoup utilisé par les pentecôtistes. Hii musemo ni bantu wa kipente juma nakalaka mkuitumia kila wakati. Par les catholiques. Wa katolika. Les évangélistes. Wa évangéliques. Les évangéliques, ouais, les gens des groupes de prière, ils aiment beaucoup utiliser ces liens familiaux. Et ils les tirent de première pierre. Ils s'inspirent sur ces versets. De première pierre, chapitre 1. Verset 18. Mustari yake ya 10 na 8. Où il est dit, mule banasema, vous savez que ce n'est pas par les choses périssables. Munajua kwamba aina kupitia vitu ya kupotea. Pas de l'argent ou de l'or. Wala feza uzabu. Que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre. Que vous aviez hérité de vos pères. C'est ce que les gens souvent appellent lien familial, tout ça. Je réponds à cette préoccupation. Dans votre première question, il y a déjà une partie de la réponse. Parce que l'expérience de la nouvelle naissance change complètement votre nature de telle manière que cela le rend sans effet, et coupe tous les liens. Vous voyez, ces coutumes, cette manière bizarre, ces habitudes que vous avez héritées de vos parents. La nouvelle naissance nous change à un nouveau homme. Parce que la nouvelle naissance est une création divine dans un homme. Ce n'est même pas un changement de comportement, non. Non, bien-aimé frère. C'est une création. Vous voyez. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Un chrétien n'a pas peur de ces choses-là. Mon Christ a ongopa ki lebitu. Écoutez. Mishiki. Dans Actes des Apôtres chapitre 17 verset 30 à 31. Dieu sans tenir compte du temps d'ignorance. Mungu bila kuangalia ile wakati ya kukosa. Annonce maintenant à tous les hommes. Anatangaza sasa mbele kwa watu wote. En tout lieu. Qu'ils ont à se repentir. Ya kusema beko na bya kutubu. Voilà pourquoi l'évangile, lorsqu'il est annoncé, l'évangile commence par la voie de la repentance. Vous vous repentez de toutes les choses que vous avez faites dans l'ignorance. Quand tu ne connaissais pas Dieu, avant que tu n'entendes la parole de Dieu, Dieu ne t'avait jamais parlé. Tu vivais dans les ténèbres. Depuis votre naissance jusqu'au jour où tu as rencontré le Seigneur. Tu as rencontré le Seigneur. Tu es né comme un païen, comme une païenne. Tu as été élevé dans le paganisme parce que ton père et ta mère n'avaient pas une autre éducation que celle qu'il avait héritée de ses parents aussi. C'est ce qui se transmet de père en fils. Tu n'es pas responsable de ça. C'est pourquoi quand tu rencontres Jésus, le véritable Dieu, tu te repens parce que tu as servi de Dieu au lieu du Dieu vivant. Ça fait partie de la repentance. Nous l'avons expliqué dans la voie du salut. Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il appelle maintenant, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, ils ont à se repentir. Ils ont à se repentir. La façon dont tu as vécu, Maintenant, quand Christ t'appelle, la première des choses, c'est de se repentir. Moi, un fils de Dieu. Moi, une fille de Dieu. J'ai été dans ces bêtises. Dans mon ignorance. Je suis allé chez les devins. J'ai fait des fétiches. Vous voyez, j'ai fait des sacrifices à des idoles. Tu regrettes. Tu te repens. Tu confesses. Et Dieu te pardonne. Le sang de Christ. Viens nettoyer ça. Et quand tu te réponds, il faut connaître que Dieu t'a pardonné. C'est pourquoi il y a la paix dans votre cœur. Tu ne l'as pas fait parce que tu connaissais la vérité. Tu as vécu cette vie là païenne. Parce que tu ne connaissais pas la vérité. Tu étais comme votre père Abraham. Quand Dieu rencontra Abraham, Abraham était un idolâtre. Ibrahim il adorait le Dieu de Babylone. Vous êtes dans la même situation qu'Abraham. Mais l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu est allée jusque vers toi. Dieu t'a ouvert l'intelligence, tu as compris que tu cheminais vers l'enfer, tu t'en répands, mais on a tout bout. Et Dieu te pardonne. Il te couvre de ton sang. Le sang de Christ. Damu ya Christu. Par la nouvelle naissance. Kupitia kuzali kwa mara ya pili. Et plus puissant. Iko ya uwezo zaidi. Pour anéantir. Juu ya kuponda wala kuzimisha. Toutes ses habitudes païennes. Ile matabia yote ya kipagano. Tous ses liens païens. Juu ya ile makamba yote. Ses habitudes méchantes. Ile matabia yote ya roho mbaya. Que nous avons hérité de nos pères. Ile yetu riliti kutoka baba yetu. C'est pourquoi il a versé son sang. Joko amana arimwanga damu yake. Il a versé son sang, c'est pour ça. Arimwanga damu yake ni njoo aili. C'est pour nous délivrer. Ni njoo akutukomboa. De toutes ces choses que nous avons hérité de nos pères. Imabitu biote tuliriti kwa baba yetu. Dans Galates au chapitre 3. Wa Galatia sura ya 3. Dans Galates au chapitre 3. Wa Galatia sura ya 3. Dans ce verset 13, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, il a pris notre malédiction, il s'est chargé. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Halahaniwe mutyoyote ule banatundika ku bois. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Christ. Kusudi baraka Ibrahimu na ya bapagano ipate kutimilika ndani ya Kristo. Kama Yesu Kristo si Jesus. Arijifuwa na kuya lana juu yetu. Isefe malediction. Ni juu ya kutufunguria mulango. Si pu nous ouvrir la porte. Juu ya ile baraka ya Abraham. Puke la benediction Abraham. Ikuye yulu yetu. Puisse nous parvenir. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, à travers les saints, na kwa njia ya imani yetu, à travers notre foi, musalaba, dans l'œuvre du calvaire. C'est vrai, frère. Nukweli ndugu. C'est vrai, ma sœur. Nukweli dada. Dieu nous a promis. Mungu. Que nous a promis. Aritulaka. Nous, les enfants d'Abraham. Si batoto Ibrahim. Que nous posséderons. Ya kusema siye tutashika. Les portes de nos ennemis. Milango ya wadu yetu. C'est par l'œuvre du calvaire. Kupitia kazi ya calvaire. C'est par notre foi. Kupitia imani. Dans l'œuvre du calvaire. Ndani ya ile kazi. Que nous recevons la victoire. Tunapokea ushindi. Sur toutes les malédictions. Ya lahana yote. Qui devait tomber sur nous. Ile ipasha kutuangukia. Alors. Sasa. Ne craignez rien. Shongope kitu. Dans Colossiens au chapitre 2. Wa Colossae sura ya pili. Un chrétien ne peut pas être souvent dans la paix. Mukristo achezi kwa kila wakati ndani ya boka ni mambo ya bongo. Colossiens 2 verset 14 à 15. Mustari ya 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alizimisha tendo na ile maagizo yote ilianza kutuhukumu. Il a effacé. Alizimisha l'acte tendo dont les ordonnances na ile maordonnance nous condamnait. Ilianza kutuhukumu. Et qui subsistait contre nous. Na ile ilikuyako juu yetu. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Alizimisha alipotesha mukuitundika kuipopola kumsalaba. Il a dépouillé. Arivula. les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle na triomphant d'elles par la croix. Mukuishinda kupitia msalaba. Frère, le travail que Christ a accompli au bord du calvaire nous a complètement libéré. Itueka uru kabisa kabisa. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. Cet acte-là a complètement ôté en nous et sur nous kabisa, kabisa toutes sortes de malédictions. L'acte que Christ a accompli au bas du calvaire a coupé les ponts qui nous reliaient avec l'enfer. Nous n'avons plus de compte à rendre à Satan. Alors Jésus te dit ce soir, ne crains rien parce que j'ai vécu le monde. Marchez d'une manière courageuse. Le sang de Jésus Christ versé au bois du calvaire a rompu ce lien souillé de famille. Quand vous croyez, le lien est rompu. Ces habitudes-là sont rompues. Et aujourd'hui, en tant que fils et fille de Dieu, vivez sans crainte. Vous n'avez rien à craindre. Même si ton papa était un devin, même s'il était un magicien, même si ta mère était magicienne, aujourd'hui en Christ, ne craignez rien. Même si ton papa était ivrogne, ta maman était ivrogne, ta mère était une prostituée, ton papa était prostitué, même si tu avais été conçu dans la prostitution, après la foi, le sang de Jésus Christ a brisé toutes ces choses-là. Nécessaire de nouveau, la malédiction qui s'est trouvée sur les enfants bâtards n'est plus sur toi. Ne te pose plus la question de savoir, non, maman est une prostituée, moi je suis un enfant bâtard. Oh non, ces choses-là n'existent plus en Christ. Par la voie de la nouvelle naissance, tu es devenu un enfant d'Abraham et la bénédiction d'Abraham. Tu n'as rien à craindre. Auna na kia kungo, oh non, non, oh, papa ni chanjo ya kunikinga, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Aïna tout le tumankamba, yamangoji ya tubunji, Dieu kuna kuchunga, na manyonya wa perroquet, na ya tubemba, avec manyonya ya tubemba ya les plumes des oiseaux, les aigles. Dieu kuna kuchunga, non, frère. Qui vous protège, ce n'est pas ça, non. Dieu, ces choses-là. Moussabwe bine bitu. C'est du diable. C'est ton mensonge du diable. Aujourd'hui, Léo, tu es dans une véritable sécurité. Uko, mukingo, aujourd'hui, Léo, dans en Christ, ndani ya Kristo, hakuna kitu kile kitaweza kukufikia bila Mungu yeye mwenyewe kuiruhusu. Maisha uko naishi hapa sasa en tant que mtoto wa Mungu, uko naishi mapenzi ya Mungu, la volonté de Dieu. Quand si ton père était devin, c'est lui. Si lui se répand, il s'est fait baptiser, il est de nouveau. Il avait tué 1000 personnes. Il est dans où il était là. Il ne suivra jamais ton père. Lorsqu'il croit, Dieu prend cela, les met dans le compte de l'ignorance. Voilà ce que fait le sang de Christ. Il est dame ya Christ en fagnac. Vous voyez, nous sommes dans une sécurité éternelle. on n'a plus rien à craindre. Atuna na kitu ataki mwaki ya kongo pati. Wale mes frères. Non, imalari mikona lukula. Pengine ni bila bari ni chanjaka. Oh, imalari mikona lukula. Ni mpenda bari ni kanikaka. Oh, imi mikona lukula. Ni juni vwala kama nkamba. Ya mbushi ya mankamba ya mbushi. Yeo. Kama unesha kuya mtoto wa Mungu. Abina tena na efe yulu yapo. Ou des impacts sur vous. Il n'y a aucune malédiction. Akuna la hana ta moya. Voyez bien mes frères. On a ndu kumpendo. Voyez bien mes frères. On a de l'impendo. Ne craignez absolument rien. Mushongope kitu. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa tu pas moi. Même si tu vivais dans une maison, ton père était un bandit. Ataka mon aïe, mon yomba moule, mon baba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, manger les sangs. Anawaba, mon yomba, mon yomba, mon yomba, mais quand vous avez tué les gens et vous avez amené les choses. Après votre repentance, vous expérimentez le pardon, la justification. Il est bien tout, toutes ces choses. Dieu prend ça. Dans la mer de l'oubli. Alors, ne craignez plus. Ça, Mouchona, c'est mesdames et Yesu. Ne pensez pas que les hommes sont des hommes de bouc ou des taureaux ou c'est mon sang à moi. Non. Apana. C'est le sang du Tout-Puissant. Ni damu ya wawezo yote. Alors, ne craignez plus. Ça, Mouchongo Pekitu. Qui a compris? Nanya na ilio. Maintenant, quel comportement? Ça, ni tabia kan. Devrons-nous adopter à l'égard, donc à l'égard, d'autant plus que nous sommes en contact avec eux, dans les différentes cérémonies. Ça va, je réponds à cette préoccupation. Vous suivez la question du frère de la sœur? Est-ce que vous avez suivi ça? Je réponds à cette préoccupation. Premièrement, votre attitude envers votre famille biologique est d'une grande importance qui va déterminer si réellement tu as cru ou tu n'as pas cru. Na ile itaonesha bya kweli kama uliamini wala hapana. Étant sauvé, we mwenye kuokolewa. Vivez maintenant toute la parole de Dieu. Unapasha kuishi sasa sauti yote ya Mungu. Vivez maintenant toute la parole de Dieu. Kuishi sasa sauti yote ya Mungu. Deuxièmement, Capire. Soyez lumière upate kuya nuru. Et soyez salé na upate kuya nchumvi pour ta famille biologique païenne. Ya jama ya kwa mumwili benye kwa bapagano. Regardez dans Matthieu chapitre 5. Mwangare mu Mathayo sura ya 5. Dans son verset 14. Mustari yake ya 14. Matthieu chapitre 5. Soyez lumière pour votre famille. C'est vrai. Matthieu chapitre 5. Matthieu sura kiatano. Verset 14. Musaya kia kumi na ine. Commençons au verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mweye muko chumvi ya dunia. Verset 14. Musa ki ya 14. Vous êtes la lumière du monde. Muko nuru ya idunia. Une ville située sur une montagne. Na muji mwa yenye kwa yulu ya mulima. Ne peut être caché. Haiwezi kufichama. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Na abala wakisha ke lampi njuu ya kuweka chini ya meza hapana. Mais lakini, on la met sur les chandelles. Beko ni weka yulu ya meza. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Na lampi kunaangazia bale bote beko munyumba. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes. Nuru yenu ipate kuangaza hivi afin qu'il voie vos bonnes œuvres apate kuona matendo yenu et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Après avoir cru, vous devez avoir un bon comportement. Vous devez être salé. Vous devez être lumière. Ah, pour votre famille. Je vais correctement la parole. Ils verront réellement quelque chose qu'eux n'ont pas. Est entré dans votre vie. Troisièmement, aimez-les beaucoup. Non, votre famille biologique. C'est notre attitude que nous devons avoir envers nos familles biologiques. Oui. Nos familles païennes. Nous devons les aimer. Nous devons les exhorter. Nous devons leur parler de Christ si on a l'occasion. Et nous devons beaucoup prier pour eux. Quand on a un groupe à exhorter, si tu n'as pas le temps, on a un invité qui est dans l'amour. Invitez-le à la parole. Ishimaïs à qui Christ. Si, mais invitez-le. À chaque fois que tu oui, bataille et pangina. Il faut les citer. Oui, dit à ce Dieu. Ce sont mes frères et mes sœurs que tu m'as donné. Fais quelque chose pour les sauver comme tu m'as sauvé. Ça est venu quoi, ami? Si tu es sincère, ceux qui sont prédestinés au salut, dans votre vie, dans votre famille, viendront au Seigneur. Voyez bien mes frères, ils seront certainement sauvés. Il faut prier pour eux, pour que Dieu les sauve. Nous ne sommes pas seulement là pour les mépriser. Vous les idoles, moi je n'aime pas ça. Prie aussi pour eux. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Vous voyez. Non. Mais pour ce qui est de leurs habitudes, des coutumes, la Bible dit, sortez de leur coutume. Comme toi tu as déjà cru. Faut plus encore. Kuishi sawabo. Vivre kutenda sawabo. Parce que tu as la lumière. Sortez de leur coutume. Et de leurs habitudes. Ne sortez pas de votre famille. Non. Apana. Ne quittez pas votre famille pour aller ailleurs parce que tu es devenu chrétien, c'est faux. Ne cherchez pas de couvent, il faut aller t'abriter parce que ton père et ta mère et tes frères sont des païens, à moins que votre famille elle-même vous chasse à cause de la foi. Ah, ça c'est autre chose. Si votre famille ne peut plus vous supporter. Ton papa, ta maman, tes frères ne peut plus vous supporter à cause de la foi et qu'il vous chasse. Là, Dieu dit, je vous donnerai des pères, je vous donnerai des mères et je vous donnerai des frères. Mais aussi longtemps que ces gens-là, ta famille biologique, ne te chasse pas sous les toits, ton père ne te chasse pas, ta mère ne te chasse pas. Vous voyez, reste dans cette maison. Tu es une langue dans leur maison. Tu es Joseph dans leur maison. Un jour, avec la lumière que vous avez, avec le sel qui est en vous, ils goûteront au sel et ils viendront à Christ. Ils verront la lumière, ils viendront à Christ. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire ici? Dans votre attitude que vous devez avoir, sortez seulement de leur coutume, abandonnez leurs habitudes. Mais ne quittez pas de votre famille biologique pour aller chercher ou s'abriter, à moins que cette famille, ton papa, ta maman et tes frères, te chassent. Voyez bien mes frères. En ce qui concerne les cérémonies. Voyez, la Bible dit ceci. Bible assez maïve. Tu n'es pas obligé de le faire. Oui, tu n'es pas obligé de le faire. Oui, le moment de ma cérémonie, il y a ma fête, il y a ma nouvelle lumière et nouvelle lune. Ce n'est pas ton protocole déjà éclairé. Éloignez-vous de tout ça. Oui, bien mes frères, tu n'es pas obligé. Comme on a ce mouille fait moule. Tu vois que dans ces il y a trop de paganisme. Tu peux pas y aller. Comment vous commencez cérémonie à cérémonie, faut pas suivre ces cérémonies. Comment nous dans cérémonie à ils ont leur cérémonie. Il y a qui coutume. Vous chantez mouille marinio ya bon. Toi ne participe pas dans la. Tiens-toi les cas. Oui oui. La famille est née na youa. La famille sera. Vous êtes marinio ya bouele bouele ya ivi. Les réunions pareilles. Il concerne nos coutumes. Goya takuya mou. Ne viendra pas. Ils savent ça. Banayo à vivre. Vivez votre vie. Oui ici tout maïsha ya. Dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 6. Quand on appuie soit cassé. Versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le joug étranger. Joug. Nira. Étranger. Ya kigeni. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ya pas moi du quoi puis katika ya nuru na giza. Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Quelle part à l'infidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Voyez, Jérémie chapitre 10. Jérémie au chapitre 10. Dans son verset 3, la Bible dit, Jérémie 10, 3, la Bible dit, regardez même dans chapitre 10. Chapitre 10, verset 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Toi, tu connais ça. Tu connais cela. Comment tu vas y aller? Vous voyez, frère. Vous voyez, ma soeur. N'y allez pas. Parce que cela ne peut pas t'édifier, tu vas briser la parole de Dieu. Comme on va faire ma cérémonie, éloignez-vous de tout. Comme on va faire la cérémonie, tu n'es pas obligé de le faire. Voyez bien mes frères. Voilà comment il faut agir. En considérant l'idolâtrie, cérémonie religieuse dans lesquelles nos familles se trouvent, Obanama a mentionné la notion de nom. Que derrière chaque nom, il y a un esprit. Que devrons-nous faire? Mettre nos enfants en danger à leur donnant des noms familiaux, alors que ces noms sont issus de nos arrières grands-parents au comportement bizarre et idolâtre. Et des fois issus de cérémonies idolâtres. Je réponds à cette préoccupation. Je réponds à cette préoccupation pour terminer. Si votre nom a une mauvaise signification ou exalte l'idolâtrie de votre tribu. Voilà, ikona shangilia ule sanamu kwa kabila yenu. Changez-le. Ibadilishe. Il n'y a pas un problème, mon frère. Hakuna mambo nduku yangu. Il n'y a pas un problème à ça. Hakuna dada. C'est vrai. Byakwe. Que chaque nom a une influence. C'est une réalité. Jina yote inekaraka na uvuto, ini byakweli. et je le dis pour terminer. Nani unaisema njo kumaliza. Si vous portez un nom, kama una jina, dont sa signification est bizarre. Ile maana yake utu ya mubaya. Et ce nom-là est attaché à une certaine idolâtrie. Na ile njina iko na mbatana na sanamu mwa furani. Si après la foi, kama kisha kuamini kwa, tu es convaincu, unakuwa na hakikisho, que cette ce nom-là injina est idolâtre, a une mauvaise influence, sanamu, même sur vous, changez-le carrément, il n'y a pas de problème. Hakuna mambo. Dieu, Mungu, dans la Bible, na ya Biblia, a changé les noms d'Abraham en Abraham. Abraham, Abraham. Dieu avait changé les noms de Sarai en Sarah. Dieu avait changé les noms de Jacob, un menteur, un voleur, en Israël. Dieu avait changé les noms de Simon en Pierre. Dieu avait changé les noms de Saul en Paul. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Et Frère Branham en parle dans premier saut. Au paragraphe 212 à 217. Si ton nom a une mauvaise signification, change-le. Le nom de Fura qu'elle porte là, ce n'est pas son nom. Jina da Fura yakuna psa sa ina yake. Vous voyez? Non. Elle avait un nom de malédiction. Alikuwa na jina moja la ana ya mateso. Mais depuis qu'elle avait changé, elle est maintenant dans la joie. Si vous sentez que vous devez changer le nom, il y a un autre frère qui a changé, c'est frère Mani qui était Constantin, l'empereur Constantin. Quand on avait parlé dans les salles de l'église, c'est que ces méchants m'avaient fait. Après cet enseignement, il a dit, c'est ce que signifie mon nom. Il avait changé, maintenant on appelle Mani. Ce n'est pas Mani, c'est Mani. Mani, c'est l'huile de palme. Mani, mani, mafuta ya ngazi. Maintenant, comme on appelle quoi, bakizumja, mani, mani, aina mani, ni mani. Vous êtes vraiment des blancs, c'est mani, mani, mani, mani. Il a changé de nom. Alors, bah, dirige. Si vous sentez que votre nom a une mauvaise influence, non, c'est changez de nom. Si tu vois que le nom de ton fils, non, c'est tu lui avais donné le nom de ton grand-père qui a une mauvaise influence, changez-le. Il n'y a pas un problème. Bah, dirige, akuna mambo. Pour ce soir, Joy Mangaribi, Dieu vous bénisse. Mungu anibariki. Nous allons continuer demain. Tendere ake. Qui a compris? Nani anaelewa. Levons-nous pour un mot de prière. Shimame jamse omo amaomba. Prions tous ensemble. Tuombe sote pamoja. Seigneur, merci. Bwana mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Seigneur roi et notre sauveur Jésus Christ. Tukuna kupitia asante. Nous te disons merci. Kwa nuru inye ulitutumia. Pour cette lumière que tu nous as envoyée. Na kwa makalamusho yote. Et pour tous les avertissements. Kuna itupatia. Que tu nous accordes. Utusaidie tuishi sabatoto ya nuru. Aide-nous à vivre comme les enfants de la lumière. Utusaidie kabisa ishikuye paka masemo bule. Aide-nous que ce ne soit pas seulement des paroles seulement. Mais ipate kwa maisha yetu ya kila siku. Mais que cela soit la vie de tous les jours. Ongoza kila dada na kila nduku. Conduis chaque frère et chaque sœur. Yote njua kavumwa jina lako. Tout pour la gloire de ton nom. Mon jina bwana Yesu Kristo. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen.